you. Not too big or too small, there's nothing at all for how long that I wouldn't do. You can't ask too much, a kiss or a touch, are yours in the moment. I love you so much, and the light of the moon that softens this tune whispers your name and kindles the flame. For I live to give, and I breathe to please your desire, your wish, and your dream. And all that I have is just a step on the path to a pleasure and passion and sin. And I won't give in, I won't give up. There's a thankful couple, the darkest day. For you gave me more than my heart had hoped for, and I love you, that's all I can say. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On a démarré avec Squawket. Squawket, c'est Chris Squire, le bassiste de Yes. Et Chris Squire et Steve Hackett, le guitariste de Genesis. Squawket, un album qui vient tout juste de sortir de chez Esotérique, qui sort du four, il est encore brûlant. A Life Within a Day, et c'est un pur bonheur. Ensuite, toujours chez le même label britannique, Ken Hensley, les plus futés, les plus documentés, j'en connais. De l'autre côté du bout du poste, vont me dire, c'est le chanteur du Ria Hip. Bingo, effectivement. Et il nous sort un album que j'ai trouvé très sympathique. C'est pas du progressif, mais c'est quand même de la bonne musique. Des chansons d'amour. Ça s'appelle Love and Other Mysteries. Voilà, c'est romantique à souhait. Écoutez un soir au coin du feu, dans une maison de Bourgogne, par exemple. Donc on continue avec une petite chose, une petite pépite, comme dirait mon ami Olivier, The Pretty Things. Alors Pretty Things, les plus érudits vont me dire, oui, c'est un groupe du temps des Beatles et Rolling Stones, etc., qui avait sorti en 1967 un album qui était vraiment précurseur, qui s'appelait SF Sorrow, un album qui était plus novateur et en tout cas antérieur à Sgt. Pepper's, et qui malheureusement pour des raisons commerciales avait été retardé et finalement a été masqué par le succès de Sgt. Pepper's. Je veux pas dire que Sgt. Pepper's n'est pas un mauvais album, ce n'est pas ce que je veux dire, simplement historiquement au niveau de la chronologie, ils se sont fait un petit peu dépasser les pauvres. Eh bien, les Pretty Things ont sorti juste après cet album Parachute, et voici pas que le même groupe, les quatre membres fondateurs, se retrouvent en 2012 pour réenregistrer ce Parachute. Ils l'ont appelé Parachute Reborn, et ma foi, c'est superbe. Tout de suite donc sur le 100.7, vous êtes sur Prog à part, l'émission du rock progressif, The Pretty Things. Thank you. square. She came running, I was lucky to be there. Flowers, the scent it filled the air. She must leave. Ambiance Swinging London garantie, les 60s revisité, un pur régal de Pretty Things. J'en connais un, je pense à Michel, qui va se régaler. Parachute Reborn, de parachute reformé, la renaissance du parachute. C'était le week-end de l'Ascension sur 4 jours, 13e édition du Prog Sud, le festival de rock progressif français avec Crescendo. Et cette année, même si les budgets étaient en baisse, étaient à la baisse, nos amis du Prog Sud ont encore fait bien avec les moyens du bord. Ils nous ont enchantés. J'ai noté quelques moments forts et je vous ai apporté les disques correspondants à ces moments forts. Tout d'abord Jean de la Lune, ensuite on écoutera Shylock, Exode, qui n'a rien à voir avec le groupe lyonnais, et on terminera avec un extrait d'Éclat. Jean de la Lune tout d'abord. Jean de la Lune, pour ceux qui sont documentés, j'en connais, eh bien c'est le groupe créé par Francis Descamps. Si je vous dis Francis Descamps, vous me dites Ange, voilà. Eh bien Francis Descamps a assemblé autour de lui quelques musiciens pour le premier album de Ange, et puis ensuite d'autres musiciens, puisque il y a eu des partances et d'autres gens qui sont venus, je pense notamment à la batterie et à la guitare. Deux albums produits, dont le Same, Jean de la Lune, que je vous ai apporté, qui est de 2009. On reviendra ultérieurement sur celui sorti l'année dernière. Jean de la Lune, vous allez le constater, comme le dit très bien Jean-Louis Delacruz, qui est à l'écoute ce soir. Salut Jean-Louis. Eh bien, ils reprennent le son Ange de la grande époque des 70s. On retrouve le son, on retrouve l'univers. Et donc, c'est pas pour nous déplaire. Vous en doutez? Eh bien, écoutez donc tout de suite Satanas. We'll be right back. tenebramus, spiritum alacrimaus, Satanas, supiraum tenebramus, spiritum alacrimaum, Satanas. Shylock. Thank you. Shylock, extrait de Gearlog. Gearlog sorti en 1977. Le groupe de Nice a frappé très très fort lors du Proc Sud. Ça a été pour nous, voilà que je parle comme Johnny Hallyday. C'était pour nous le meilleur moment, n'est-ce pas Jean-Louis? Le meilleur moment de tout le festival. 33 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière prestation live en France, et après un concert météore au Portugal, les voilà de retour, les Niçois de Shylock. Ils nous ont enchanté pendant plus d'une heure, c'était un vrai délire. Un mélange subtil, comme vous avez pu le constater, de King Crimson à la guitare et de clavier façon Ange ou Mona Lisa. C'est du LK pour les spécialistes. On a eu aussi des moments de découverte bien sympathiques avec Exode. Ça n'a rien à voir avec les Lyonnais. C'est pas, ça s'écrit pas pareil déjà. Ça s'écrit pas E-X-E-O-D-E. Non, ça s'écrit E-X apostrophe O-2-D comme ex, comme mon ex, et odd comme bizarre en anglais. Ces jeunes Marseillais, eh bien, nous ont aussi enchantés parce qu'ils ont une approche très King Crimson 75, époque Red. Donc, c'est aussi que du pur bonheur. Ils sont auteurs d'un mini-album de 5 titres et je vous propose le 5e. Tout de suite, Exode. Éclat, nouvel album, 10 ans que nos amis d'Éclat ne s'étaient pas exprimés. Nouvel album intitulé L'Esprit du Cercle, sorti chez La Moussea. Voilà, ils ont fait un premier concert, c'était le mercredi soir, qui était bondé, Éclat. Voilà pour le compte-rendu, bref, succinct du Proc Sud. Bon, je ne reviens pas sur Airplane, puisque vous avez déjà entendu un extrait lors d'une émission précédente. Je ne reviens pas non plus sur nos amis de Sun Pilots, les Australiens qui ont frappé très fort. J'étais heureux pour eux parce qu'ils avaient une belle salle, bien remplie avec un bon son. Ça permet d'oublier quelques mauvais souvenirs, n'est-ce pas Olivier? J'ai retrouvé dans mes fonds de tiroir un projet qui s'appelle Tilt. Ne me demandez pas qui est derrière, c'est un Britannique, c'est tout ce que j'ai pu trouver, j'ai même pas de pochette, j'ai rien du tout. Mini LP ou maxi single, ça date de 2009 et ma foi, c'est du très bon néo-prog. Le titre de ce mini, Million Dollar Wound, la blessure d'un million de dollars. Voilà, je vous propose tout de suite un extrait. Tilt. C'est bien sympa tout ça. Effectivement, il y a un petit côté très Phish, et pour cause, le musicien a travaillé avec Phish et Marillion. Tilt, Million Dollar Wand. On passe maintenant à une nouveauté toujours britannique, Teen Spirits Wired to Earth, avec un nom comme ça, Teen Spirits Wired to Earth. Et bon, c'est un trio qui fait un petit peu dans le Wishbone Ash. Et pour changer, j'ai pris une reprise de Genesis. Je vous laisse deviner laquelle. Tout de suite, les Teen Spirits. So you think Teen Spirits Wired to Earth. Ils sont américains, eux, le nouveau soleil, New Sun, et c'est déjà leur quatrième CD. Voici donc un extrait de ce quatrième CD, Damage Done, le dommage, le massacre, et fait tout de suite New Sun. One single moment contains his mind.

cheval et lui donne pain. Il vaut nettement mieux que beaucoup des hommes de ce régiment, les Cosaques de Saint-Georges. Ou pour un oui, pour un non, on s'en trigorge. Et voilà le pire d'entre tous qui s'avance. Sergueï, un fou de guerre sans conscience. Il pense qu'on est son ami si on le craint. Mais tout le monde s'en méfie, il est malsain. Il a leur raconté ses exploits, comme lorsqu'il avait failli mourir de froid. Il avait alors éventré son cheval et s'était réchauffé dans ses entrailles. Yeah. Je cours à ma perte, je cours à ma perte. commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Sol, 100.7. La base virale VPS a été mise à jour. Argent, c'est le nom du claviériste Rod Argent. Argent, il aurait pu plus s'appeler Silver, Rod Argent, et donc réédition chez nos amis britanniques d'Ésotérique de All Together Now, ça date de 72. Et vous avez pu entendre Hold Your Head Up, qui avait eu à l'époque un franc succès. Voilà, c'est pas à mon avis leur meilleur album, je préfère de loin Nexus, où le groupe développe un son très proche de Manfred Mann. On termine, c'est déjà, bah oui, il est déjà bien tard, on termine avec le serpent se mord la queue, avec le début, c'est-à-dire Squacket, Chris Squire et Steve Hackett, A Life Within a Day, deuxième extrait sur Progapar, l'émission du rock progressive, bien sûr. Thank you. Mais de prog à part, l'émission du rock progressif qui persiste et signe depuis un certain temps et même un temps certain. Squacket, Chris Squire, Steve Hackett, A Life Within a Day. Quand je vous aurais dit qu'on se donne rendez-vous le 25 juin, que c'est un lundi à 20h30 à 22h30, eh bien vous saurez tout pour le prochain rendez-vous de Prog à part. D'ici là, je pense courant de cette semaine, les amis Olivier, l'autre Olivier, ainsi que Jean-Louis sont aux manettes et donc le podcast sera sur internet incessamment sous peu, et tandis que Madeleine aura tapé la playlist. Vous voyez, on sera très rapide. Très rapide, je vous dis également que le prochain Sea Dragon, le nouveau, est tout juste de sortir, ou presque, avec notamment Atoll. Je disais donc que le prochain Sea Dragon, et bien qui est déjà bien avancé, vous y trouverez une interview de Steve Hackett. Tiens, dit-il, voilà, vous savez tout, ou presque, et suivant la formule consacrée, tenez Tati à que la prochaine. C'était Prog à part, une émission proposée, réalisée par Thierry Sportouche avec le soutien technique de Jean-Louis Delacruz, Olivier Sauce et Olivier Chancrin. Merci à eux.